jamais comme tout homme à part, j'ai mes petits secrets. Je tarde à embrasser ma musique des yeux. Et dans ces moments d'euphorie, je sens bien que l'on n'est que deux. J'adore être ce Jordan, celui qui d'un sourire donne au charme toutes ses formes. Charismatique, peut-être, avoué qu'esthétique, ça je ne peux l'être. Mais je sais que la magie opère tôt ou tard, car je suis une personne à part. Celui qui éveille des désirs mystérieux, c'est tellement beau que sa honte devient douloureux. Et voilà comment je procède avec ma musique. Je lui fais les yeux dans mon monde, je l'invite. Elle ne résiste pas longtemps, à vrai dire. Mais qui pourrait, à la vue d'un véritable saphir. Elle m'a pas, ce regard, celui d'un homme déterminé. Elle m'a pas, ce regard, toujours droit et décidé. Elle m'a pas, ce regard, toujours droit et décidé. Elle m'a pas, ce regard, celui d'un homme déterminé. Elle m'a pas, le beat je me l'accapare. Le jour tu me verras nulle part, et quelque part le soir, où est le genre, rien à marre, je veux ma part. Je ne veux pas de dollars, mais des euros et de tout part. Mon rap est d'art, oui je sais, le rap du frère, oui je sais. Mais bon, je ne possède que le porte-clé du succès. Je ne suis comme personne, non je ne crois pas. C'est plutôt personne qui est comme moi, voilà c'est ça. En solitaire, pas grave mon frère, je surveille mes arrières. Les pieds sur terre, mais avec la vie, je m'envoie en l'air. Ne me sers pas la main pour ensuite me baiser, non homo. Droite, gauche, tout esquivé comme Ali Momo. Seul à seul, dans ma tête, pense à moi-même. Je me quête, prends le cœur, à coup de machette. Je ne toucherai pas à ton assiette, t'inquiète. Vers l'avenir, je me projette tout seul, mec. Et sans baisser aucune raquette. Elle ne m'a pas, on verra pas. Un seul regard, celui d'un homme déterminé. Elle ne m'a pas, on verra pas. Un seul regard, toujours droit et décidé. Elle ne m'a pas, on verra pas. Un seul regard, toujours droit et décidé. Elle ne m'a pas, on verra pas. Un seul regard, celui d'un homme déterminé. Si mon saphir est anonyme, on le ressent quand les mots nous abîment. Des hommes à part qu'ils revendiquent, rap ce refrain d'une voix sincère et authentique. Chacun sa vie, chacun ses vices. Je sais que faire ma musique c'est prendre des risques. Anonyme pour l'exprimer, vas-y dealer. Pour ma part je pense déjà avoir vidé mon cœur. Un homme à part peut s'assumer, c'est qu'il est un peu de monde. Il oserait se confier, tout seul je n'ai pas le choix. Je me dois de marcher droit, car je sais qu'un seul faux pas me plongerait dans un coma aussi profond que mes plaies. Je sais qu'au fond personne ne peut m'écouter. Mes pensées sont miennes, je ne les partage pas. À ce niveau là, oui je suis égoïste, c'est triste mais c'est comme ça. Elle ne m'a pas, on verra pas. Un seul regard, celui d'un homme déterminé. Elle ne m'a pas, on verra pas. Un seul regard, toujours droit et décidé. Elle ne m'a pas, on verra pas. Un seul regard, toujours droit et décidé. Elle ne m'a pas, on verra pas. Un seul regard, celui d'un homme déterminé.